milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Sébastien Diaz qui tiendra la barre du premier gala, alors que Louis-José Houd animera le gala pour une 12e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Pour le savoir, écoutez le premier gala et le gala de la disque les 26 et 29 octobre prochains, en collaboration avec Télé-Québec et ICI Radio-Canada Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca. Ce message est diffusé par CKRL. Ce vendredi, à la vie en BD, la vie de Lénine, un Bouddha brisé, des commentaires BD et plus. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, on a deux bandes dessinées bien différentes à vous proposer, à vous présenter en compagnie de leurs créateurs. Alors en deuxième moitié d'émission, on aura le plaisir de jaser avec SB du chapitre 2 du Bouddha brisé. J'avais bien aimé le chapitre 1 qu'il nous avait offert il y a déjà plusieurs mois. Alors, j'étais bien content de voir le deuxième arriver au fil de l'été. On est un peu en mode rattrapage, il faut dire également, cette émission-ci, puisqu'on a deux sorties qui sont sorties au fil de l'été, justement, voire même en fin de printemps, dans le cas de deuxième titre. Et bref, livre dans lequel on poursuit le parcours avec Alex autour de cet univers qui continue à se construire. J'en dis pas plus, mais ce sera un plaisir d'en jaser tout à l'heure. Et également, on aura, dans la première moitié de l'émission, l'occasion de discuter avec Denis Rodier autour d'une bande dessinée qui s'appelle Lénine. Alors, une bande dessinée dans la collection, dans une collection historique du côté de Glénat, et une bande dessinée justement qui se veut historiquement représentative de la réalité de Lénine, donc aller au-delà un peu du mythe, au-delà de la propagande. Monsieur Rodier a travaillé notamment avec une historienne spécialiste de la période pour réaliser ce titre. Ça sera intéressant de voir justement le travail de recherche, entre autres choses, et de quelle manière on aborde justement aussi un personnage aussi emblématique et comment on va, comme dessinateur, peut-être aussi au-delà de la propagande autour de ces personnes. Alors, ce sera le sujet de notre première entrevue tout à l'heure. Également, en fin d'émission, nos libraires en résidence sera de passage pour nous partager ses commentaires BD. Il s'agit de Marco Duchesne. Alors, c'est le menu pour l'émission de cette semaine. Et on poursuit avec les actualités BD, notamment fait belle nouvelle qui est sortie cette semaine, une première œuvre d'art public dédiée à la bande dessinée à Québec. En fait, la Ville de Québec a présenté le concept retenu pour l'œuvre d'art qui prendra place à la piscine extérieure de Le Bourgneuf, située sur le boulevard de la Morille. Et c'est une proposition de l'artiste Bach intitulée « Il était un petit navire » qui a été sélectionné par le jury. Alors l'œuvre sera peinte sur deux structures de béton existantes situées dans l'enceinte de la piscine. L'œuvre va prendre la forme d'une bande dessinée colorée et ludique. Et évidemment, c'est un peu en lien avec la situation géographique de la piscine qui est à proximité d'une école, d'une future aire de planches à roulettes. Alors, ça va donner à l'endroit une touche artistique festive et jeune. C'est ce que nous dit Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de l'aménagement du territoire à la Ville de Québec. Bach parle de son œuvre dans le communiqué qui nous a été envoyé. Elle dit « Lorsque j'ai commencé à réfléchir au contenu de l'œuvre, j'ai rapidement pensé à intégrer l'eau et le bateau. L'image du bateau à voile se veut un clin d'œil à Samuel de Champlain à son navire, le don de Dieu, qui sont indissociables de l'histoire de la Ville de Québec. » Alors, voilà, on verra évidemment l'œuvre en vrai, puisque là, pour l'instant, on peut la voir en photo. On a relayé d'ailleurs tout ça sur le blog de l'émission sur lavieenbd.wordpress.com. Si vous voulez voir les images, c'est également sur le site de la Ville de Québec, ça peut être disponible. Et on est bien curieux de voir qu'est-ce que ça va donner en vrai l'an prochain. Sinon, quelques nouvelles rapides. On parle beaucoup de cinéma. J'y vais en rafale. On part de début août. Vous avez avez vu ça passer peut-être, la plateforme américaine de streaming Netflix qui a annoncé l'acquisition de Miller World, la maison d'édition lancée en 2004 par le scénariste britannique Mark Miller, à qui on doit notamment Kick-Ass et Kingsman. Alors ben voilà, on verra qu'est-ce que ça va donner du côté de Netflix. Également, La mort de Staline, la bande dessinée en deux tomes de Fabien Nury et Thierry Robin, parue entre 2010 et 2012 chez Gargo, a été adaptée au cinéma par le réalisateur britannique Armando Iannucci, qui a offert également In the Loop et Veep. Alors, La mort de Staline, je le rappelle, raconte les deux jours ayant suivi la mort de Staline, justement. Également, autre adaptation BD au cinéma, en fait, ce n'est que ça. C'est les nouvelles que j'ai cette semaine. Les Vieux Fourneaux, avec Pierre Richard, Eddie Mitchell et Roland Giraud au casting, donc adaptation de la bande dessinée de Lupano et Coway. Ça va se faire également. On est évidemment rendu au quatrième tome. Et pour ce qui est du film, ça sera réalisé par Christophe Dutronc, co-scénariste de Brice 3 également. Mathieu Sapin, l'auteur BD, se lance, lui, du côté du cinéma. Après avoir croqué François Hollande et Gérard Depardieu, l'auteur de BD va s'attaquer maintenant donc au 7e art, à l'instar de Marjane Satrapi ou Yann Sfar, qui sont également passés derrière la caméra, et plusieurs autres d'ailleurs. Mathieu Sapin, lui, va réaliser Le Poulain, un long métrage va nous raconter l'histoire de novice en politique intègre par un concours de circonstances l'équipe de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle. Et on verra évidemment qu'est-ce qui va en ressortir. On devine qu'il y a un lien avec le parcours littéraire également de Sapin. Deux autres adaptations en terminant. On parle de Strangers in Paradise, qui va devenir un film, une série qui a été publiée entre 1993 et 2007. Le film sera réalisé par son auteur Terry Moore ainsi que par Angela Robinson. Une série fleuve en noir et blanc. Donc, il connaîtra une nouvelle vie. Il n'y a pas de date de sortie, par contre, qui a été annoncée. Je vous rappelle, évidemment, que l'histoire au fil des années qu'on suit, c'est celle de deux femmes, Francine et Cachou, et de leur relation ambiguë entre amitié et amour. Et enfin, adaptation, peut-être plus pour la France, celle-là, c'est Les Cahiers d'Esther, la série BD de Riyad Satouf, qui va devenir une série animée de 52 épisodes qui vont être diffusés sur Canal+. On verra si ça sera disponible autre part. Alors voilà pour ces clins d'œil à l'actualité. Maintenant, en musique, cette semaine, on écoute la formation Sugar Skills avec leur album The Cullinger's Guide to the Pentatonic Composition. Toujours dans la 8-bit, on écoute un premier extrait. Un petit extrait qui s'appelait Sol Ressol. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. On a mentionné tout à l'heure le blog de l'émission. Vous pouvez trouver d'ailleurs toutes les émissions en balado depuis la création du magazine. Alors, c'est lavieenbd.wordpress.com. Et je vous mentionne également que vous pouvez trouver mon blog personnel sur voir.ca/Raymond-Poirier. Alors maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie au bout du fil de Denis Rodier. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Rodier, on est un peu en rattrapage aujourd'hui puisqu'on parle d'une bande dessinée qui est sortie à la fin du mois de mai. Une bande dessinée qui s'appelle Lénine, publiée chez Glénat. Vous êtes au dessin sur cette BD, aux côtés au scénario d'Antoine Ozanam et également à la couleur avec Walter et accompagné dans tout ça par une historienne qui s'appelle Marie-Pierre Ré. Et pour vous, en fait, j'avais l'impression en voyant le projet passer que vous retombiez peut-être un peu dans des décors que vous avez déjà un brin exploré, du moins en termes de période historique, avec l'Ordre des Dragons et l'apogée des Dragons. Oui, malgré que c'est tout à fait un autre contexte. Oui. Là, on est dans une vraie BD historique. Puis l'autre, c'était complètement du fantastique. Donc, faut croire que j'ai une affinité pour la période, pour le début du 20e siècle, puis tout le contexte politique autour. et avec Lénine, en fait, aux côtés d'Ozanam. Donc, vous nous racontez l'ascension de Lénine vers le pouvoir, mais d'un point de vue personnel. Donc, on met un peu en veilleuse ce qui a été déjà raconté à moult reprises, et vous vous concentrez sur son cheminement, sur ses relations interpersonnelles. Oui, on a cherché à savoir un peu qu'est-ce qui faisait que le personnage... qu'est-ce qu'il faisait tiquer, qu'est-ce qu'il faisait fonctionner, qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un révolutionnaire. Puis, ben, un petit peu, d'une certaine manière, ceux qui l'ont suivi, particulièrement sa femme, qui l'a suivi dans son parcours politique, puis qui nous donne un peu aussi un genre de miroir, un genre de façon d'appréhender le personnage. D'une façon globale, d'une façon aussi bien intime. Et à la limite, en fait, le défi, quand on s'attaque à un personnage comme celui-là, c'est d'aller creuser au-delà de la propagande, au-delà du mythe qu'on en a fait. Oui, surtout que, bon, après la chute du mur, les archives se sont ouvertes, puis, bon, ben, ça a cassé beaucoup de mythes. En même temps, on a des idées un peu reçues qui pour moi, qui était, bon, ben, peut-être une certaine surprise, pas une surprise tellement vis-à-vis des événements historiques, mais vis-à-vis de la perception des gens, vis-à-vis du personnage de Lénine. On a tendance beaucoup à voir en lui quelqu'un qui avait peut-être une vision du communisme qui était plutôt pure ou à contrario, Staline, lui, a perverti le message complètement. Et ce qui n'est pas le cas, mais pas du tout, Lénine avait vraiment mis en place tous les mécanismes qui ont mené à la guerre civile, les camps de concentration, le goulag, et tout ce mécanisme-là que Staline a vraiment poussé à l'extrême. Et évidemment, face à ça, on découvre, en fait, j'imagine que dans le contexte des recherches historiques qui ont été faites pour l'album, tu découvres aussi, dans le fond, une nouvelle façade de Lénine, et que tout ça vient influencer le casting que tu vas en faire, la façon qui va être mis en scène, dans le fond, à l'intérieur de l'album. Oui, mais en même temps, on veut pas être manichéen au point de dire, ben, il est pas aussi bon qu'on nous l'illustrait à l'époque, mais en même temps, on veut pas faire une propagande inverse, où est-ce que tout est méchant, on veut avoir un portrait le plus balancé possible, parce que faut dire qu'on est bien loin maintenant des livres de bande dessinée un peu didactiques qu'on laissait aux bibliothèques jeunesse ou des choses comme ça, apprenez la vie de tel ou tel missionnaire ou des choses. On est bien loin de ça. On est vraiment dans un contexte historique, donc il faut donner une vision la plus balancée possible, la plus honnête possible avec les éléments historiques qu'on a entre les mains. Puis, pardon, oui, de ce côté-là, on a eu la chance d'avoir Marie-Pierre Ré, qui est une sommité sur le sujet, qui a guidé le projet vraiment, puis on se sentait en confiance, parce qu'il y a toujours un danger de dire un peu n'importe quoi en prenant une source qui est peut-être un peu douteuse sans le savoir. Oui, donc faut avaliser les sources, faut faire les bons choix aussi, parce que j'imagine que dans tout ça, le récit réel est complexe, il y a énormément de personnages, donc faut faire un peu d'économie, un peu d'épuration, faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas nécessairement dit, mais que dans le contexte, ça cadre bien. Donc se donner une certaine liberté à l'intérieur d'une volonté d'historicité la plus large possible. Oui, parce que on n'a pas le choix, on a un album BD qui est pas trop court pour vraiment illustrer vraiment toute l'étendue du parcours. En même temps, tous les personnages qui ont pu l'influencer. Souvent, on utilise le personnage de la femme de Lénine qui dit un peu, qui raconte un peu ce qui s'est passé autour, en illustrant d'une certaine façon ce qu'on pouvait pas faire dans le peu de pages qu'on avait. Et en même temps, c'est un peu comme ça, justement, qu'on fait le dessinant du Lénine historique, du Lénine de propagande vers le Lénine historique et du Lénine historique vers le Lénine héros d'une bande dessinée. Oui, oui. Puis, bon, il faut incarner le personnage. On a la chance, ça fait partie de mon intérêt pour la période, c'est d'avoir beaucoup de documentation. La photo, le cinéma, bon, c'était toutes des inventions récentes, mais qui ont quand même bien servi. Le fait que dans un parcours politique, on laisse beaucoup de traces écrites, Lénine a écrit beaucoup aussi, ben ça fait en sorte que tout à coup, on a plus de facilité à saisir le personnage que, je sais pas moi, Toutankhamon ou Gengis Khan. Et dans ce contexte-là, il y a certaines des lettres qui font leur apparition aussi dans l'album. Et je me rappelle en fait d'une séquence, d'une illustration au bout du compte, une pleine planche, où essentiellement c'est Lénine qui est en train d'écrire et vous laissez libre cours, si on peut dire, à quelque chose de très visuel, là, des soldats qui sont avec des masques à gaz, tête de mort, un peu dans le brouillard. Donc on se permet un peu aussi des moments très ambiants comme ça pour accompagner des moments de réflexion. Oui, parce que il faut aller dans l'ellipse, il faut aller dans la métaphore parfois, pour vraiment illustrer que, ben, par exemple, dans cet exemple-là, c'est que la Russie était en plein engagement dans la Première Guerre. Puis Lénine a fait un peu la promesse, pas un peu, mais beaucoup, de s'en tirer aussitôt qu'il deviendrait au pouvoir. Donc, la fatigue des Russes, de tous les combattants qu'ils pouvaient avoir dans la Première Guerre mondiale, Lénine a trouvé des oreilles bien attentives de ce côté-là. Mais il reste que l'ellipse, par exemple, on peut prendre la première rencontre que Lénine a eue avec Trotsky. On l'illustre sans même mettre un dialogue. Mm-hmm. Pour moi, c'était aussi un rappel à des cinéastes comme Eisenstein, qui a beaucoup porté la propagande au cinéma. Où est-ce qu'il y a un côté film muet dans tout ça? Où est-ce que, on se devait de résumer une certaine portée de cette rencontre-là en quelque chose qui devenait pas simplement banal. Puis d'une certaine manière, en fait, un peu comme aussi pour le 22 janvier 1905, la séquence que vous amenez, c'est des moments qui sont déjà peut-être un peu emblématiques. Donc, soit on connaît déjà un peu si on explorait un peu dans la grande histoire, ou sinon, dans le fond, ça accentue leur portée emblématique parce que vous ne niez pas le côté, justement, mythique, si on peut dire, de l'instant qui est en train de se vivre. Oui, parce que il faut pas oublier que 1905, pour faire une histoire courte, les soldats du Tsar ont tiré sur une foule de protestants pacifiques dont Lénine ne faisait pas partie. Lénine était j'allais dire en cavale, oui, mais c'est pas mal ça, était en exil, puis ça l'a poussé vraiment à se mettre un peu plus en action puis trouver des moyens de revenir en Russie à ce moment-là. Parce qu'il voulait pas se faire voler la gloire de commencer la révolution, de faire la révolution en Russie, pendant que lui-même est en exil. Parce que faut pas oublier que Lénine a écrit beaucoup, mais souvent en dehors lui-même. Oui, et d'ailleurs, la dynamique d'exil, on la sent bien à l'intérieur du livre. Et j'imagine que pour vous, d'un côté, ça doit être un plaisir dans la mesure où vous n'aviez pas à dessiner que des scènes de ville ou des scènes de bureau. Mais inversement, au niveau recherche visuelle, ça fait quand même une belle série de lieux à explorer, à maîtriser historiquement. Oui, oui. Puis c'est là qu'on a besoin d'une historienne pour remettre des choses en séquence. Pour l'anecdote aussi, on l'a quand même un petit peu surpris parce que moi, du point de vue du dessin, j'ai besoin de savoir des choses bien précises que si on écrit un livre d'histoire, on n'a pas nécessairement besoin de savoir. Moi, dans mon cas, j'ai besoin de savoir des choses aussi bêtes que Lénine, il est devenu chauve vers quel âge? Puis en même temps, sa femme, qui était quand même assez jolie toute jeune, a eu des problèmes de goitre qui a vraiment on connaît plus tellement ça, qu'est-ce que ça peut être un goitre, mais ça fait en sorte que les yeux deviennent exorbités, puis ça donne des transformations physionomiques auxquelles je dois transmettre, mais je dois savoir quand la maladie est arrivée. Puis, mais tout en gardant une certaine ressemblance, pas trop exagérée, pour que le lecteur reconnaisse le personnage de la première page jusqu'à la dernière. Donc, c'est ce genre de défi-là qu'on a à faire avec la recherche en collaboration avec l'historienne. Donc, à la limite, en fait, on peut pratiquement fait, contrairement à des albums de BD où on dit, bon, OK, on casse le personnage et il change pas trop parce qu'on suit pas sur sa vie, mais on le suit sur un moment. Dans votre cas, on le suit évidemment sur une période beaucoup plus prolongée. Donc, faut faire pratiquement un casting sur une ligne du temps, de voir comment il commence jeune, essayer d'avoir une évolution logique, d'après ça, d'intégrer les problèmes de santé, etc., etc. Oui, parce que, Lénine est quand même mort assez jeune. Il est mort à 52 ans. Ou à peu près, c'est, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais il reste que l'emblème du visage de Lénine est tellement imprégné dans la tête des gens que c'est difficile de trop en déroger, ou encore c'est difficile de se tromper rendu à un certain moment. Mais tous les personnages connexes, tous les personnages qui évoluent autour, il y a eu beaucoup de va-et-vient, donc il faut faire quand même. C'est pour ça que je reviens encore à Nadejda, sa femme, qui était pour nous le personnage avec lequel Lénine pouvait dialoguer, puis en même temps donner un lien continu jusqu'à la fin. Et à travers ça aussi, on mentionnait, Denis Rodier, qu'à l'intérieur du livre, on cherche à présenter le vrai Lénine, qui est comme vous l'avez dit, en fait, comme tu l'as dit, en zone de gris, donc ni bon ni méchant, d'aller au-delà de la propagande. Mais d'un autre côté, vous êtes permis d'aller vers le constructivisme, vers la propagande pour la couverture, où là, on y va avec le Lénine sauveur, un peu mythologique. Oui, mais c'est un peu voulu. Puis j'ai voulu rendre le côté un peu raide de la propagande. Lénine a l'air un peu désincarné si on regarde vraiment la couverture. Puis ça, c'est voulu. Voici l'iconographie qu'on connaît. Maintenant, allons plus loin. Parce que si j'avais voulu faire quelque chose de complètement différent pour démolir tout de suite l'iconographie de Lénine, ça aurait pas passé le bon message, d'après moi, pour bien identifier l'album en librairie. On doit savoir de quoi qu'on parle. Maintenant, allons plus loin. Puis, après ça, on peut aller dans les subtilités. Oui, puis même après ça, au-delà, il y a le supplément historique aussi, donc ça reste quand même un ouvrage assez complet. Dans le contexte d'une série aussi, je pense que Léna en fait plusieurs, il y avait Luther qui était en parallèle. Est-ce que c'est d'ailleurs le contexte où on dit, OK, on s'insère dans une série plus large sur les figures historiques, amène certaines contraintes, certaines demandes au niveau du dessin? Non, j'ai vu un peu ce qui se faisait dans le restant de la collection. Puis je me suis pas senti attaché à une continuité. Ça reste que c'est une collection. On parle de personnages historiques aussi divers que Kennedy ou assez varié, c'est assez éclaté. Oui. Donc c'était vraiment on prend le sujet puis on le rend le mieux possible de la façon dont nous on le fait. Et Denis Rodier, le projet Lénine, évidemment, est terminé et publié, je le disais, depuis la fin de l'été, depuis mai. Tu as choisi de rester dans l'univers de la Russie des années 1930. Il me semble avoir lu à quelque part que tu travaillais sur une uchronie de 62 planches qui a lieu en Russie, qui s'appelle Aral. Oui, ça c'est en fait la continuité de mon projet personnel que j'avais commencé il y a quelques années. Maintenant, je travaille avec Tristan Rouleau, qu'on connaît bien avec Hedge Funds puis les Goblins. Puis c'est chez Dargo. On utilise un peu le même genre de matériel, la matière de base, mais là, c'est complètement dans le fantastique. Quand on parle d'Uchronie, on est vraiment loin de l'histoire. Parce que souvent, l'Uchronie, c'est seulement juste un point de départ. Mais on reste beaucoup dans le contexte historique. Là, on s'éclate complètement. Alors ça sera à découvrir dans un an ou deux? Euh, L'année prochaine. OK, ça s'en vient à courte échéance. Donc, on aura l'occasion de se reparler à ce moment-là. Oui, puis en plus, je fais pour Glénat maintenant un roman graphique qui va faire 430 pages plus, qui lui est dû pour 2020. Donc, ces deux projets-là sont travaillés en parallèle. À un moment donné, je faisais aussi Lénine en même temps. C'est beaucoup de boulot. Effectivement. En fait, des fois, ça devient nécessaire pour changer un peu d'air d'un projet à l'autre, prendre un recul, à la limite. Oui, mais travailler les trois en même temps, des fois, ça peut être difficile à changer de bateau en cours de route. C'est aussi, pour faire une parenthèse, c'est aussi un projet historique. Donc, un 430 pages, ça va nous amener plus loin que les limites imposées par un album simple comme celui de Lénine. Donc, je suis vraiment... il est trop tôt pour parler du sujet ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment content de voir le déroulement de ça. Alors, on aura de quoi te suivre dans les prochaines années. Denis Roddy, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. À la prochaine, merci. Alors voilà, c'était Denis Roddier, donc je le rappelle, dessinateur sur la bande dessinée Lénine, qui est publiée chez Glénat dans la série Ils ont fait l'histoire. Aux côtés de lui, il y a Antoine Ozanam au scénario, Marie-Pierre Ray, donc conseillère à l'histoire et les couleurs de Walter. Et on poursuit à la vie en BD. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30, en fait, pour parler 9e art. J'ai une petite parenthèse à l'émission pour vous mentionner, en fait, vous parler un peu de l'exposition Tintin à Québec. Elle a commencé à la fin de ma saison. Je m'étais dit, on prendra quelques instants quand même pour en parler. Ça reste une exposition majeure qu'on a le plaisir d'avoir ici à Québec. Je sais pas si vous y êtes allé. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous avez jusqu'au 22 octobre pour aller y faire un tour. Une exposition qui a eu quand même des très, très bons scores à ce jour en termes de public. Donc, évidemment, ça veut dire que les gens ont toujours cette curiosité autour de l'œuvre de Tintin, quand même un auteur fondateur, on le sait, tous et toutes, donc de la bande dessinée européenne, voire au-delà. Et dans le fond, ce qui est intéressant dans la manière dont l'exposition est présentée, que j'ai trouvé personnellement, c'est que dans le fond, de mon côté, je suis pas un amateur, un incontournable de Tintin. Donc, c'est une série que je connais, comme on la connaît tous, qu'on a tous lu étant jeunes, qui nous a suivis, mais j'ai pas ressenti le besoin tant que ça d'aller creuser autour de la figure de Hergé pour apprécier plus avant son univers. Et donc, c'était un peu mon premier contact, au bout du compte, avec Hergé, l'auteur, donc au-delà de sa création. Et... ils ont choisi justement dans l'organisation d'exposition de nous introduire vers l'auteur d'abord, de nous présenter Hergé le peintre, de nous présenter Hergé le collectionneur d'art, de nous présenter Hergé le publicitaire, l'illustrateur, donc d'autres facettes de son travail qui ont soit devancé Tintin, soit accompagné son exploration et son travail autour de Tintin. Et dans des styles qui sont quand même aussi radicalement différents de ce qu'il propose dans ses albums, qu'on pense à son travail de design et de publicité qui est exposé de manière plus détaillée, un peu plus loin dans l'exposition, mais c'est visuellement très intéressant, c'est ancré dans l'époque, mais c'est très beau, mais c'est complètement aux antipodes de Tintin. Donc ça nous permet de découvrir d'autres facettes de Hergé et peut-être de comprendre aussi, à travers ces facettes-là, mais de quelle manière celles-ci sont venus se lier, s'unir à travers son œuvre majeure qui est Tintin, à travers la composition des personnages, à travers les avancées qu'il a fait pour le médium à l'époque et qui a permis à ce médium-là ensuite de s'imposer, de faire sa place et éventuellement de devenir pérenne au bout du compte, puisque c'était quand même pas quelque chose qui était tant mis de l'avant que ça à l'époque. Il y avait différentes productions, mais il faut se remettre dans un autre contexte, dans un autre moment. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé très intéressant et c'est un peu encadré dans le fond. Donc au départ, on nous présente le personnage et à la fin aussi, on nous présente d'autres éléments de son travail, donc qui nous permettent d'avoir les deux parenthèses dans le fond à l'intérieur de laquelle on va découvrir l'œuvre. Et ensuite quand on découvre l'œuvre, on y va avec les crayonnés, on y va avec des planches originales, on y va avec différents travails de recherche qu'il a fait autour justement de ses œuvres, donc des artefacts qui reflètent la recherche qu'il faisait pour bâtir ses albums, des maquettes qui reflètent les maquettes qu'il faisait pour comprendre sa fusée, pour intégrer la science à l'intérieur de ses récits. Et donc ce qui nous amène dans le fond dans un beau voyage au travers genre de l'imaginaire d'Hergé, de qui il était et de comment il faisait les choses. Et ça aussi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et dans la scénographie de l'exposition, évidemment, ça veut dire aussi qu'on nous amène dans une série d'ambiances et des ambiances qui sont bien affirmées, bien posées, bien développées. Un peu à l'image de bonnes expositions qu'on peut voir du côté européen, parce que la bande dessinée n'est pas évidente à mettre en exposition. Ça reste, bon, une série de planches. Donc, comment l'accompagner pour que ce soit plus que ça? Et encore là, là-dedans, ils réussissent en créant différents styles de pièces, différentes ambiances, différents éléments qui sont mis de l'avant et différents repères visuels, dans le fond, qui viennent accompagner, magnifier les planches qui sont autour. Alors, vraiment, fait une exposition que j'ai bien appréciée. J'en dirai pas plus parce que j'ai l'impression que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, si ce n'est que vous recommandez, si vous n'avez pas encore été faire un petit tour du côté du Musée de la Civilisation, que ça vaut la peine d'y aller. Vous avez jusqu'au 22 octobre pour ce faire. J'en profite pour vous rappeler que c'est toujours la formation Sugar Skills qui nous accompagne cette semaine. Et vous rappelez également que vous pouvez suivre La Vie en BD sur Facebook via facebook.com/La Vie en BD. Et maintenant, on parle d'un album qui est arrivé également en cours d'été. Je disais tantôt, on est en mode rattrapage cette semaine. Et on rattrape le deuxième chapitre du Bouddha brisé en compagnie d'SB, son auteur. Bonjour. Bonjour. Alors, SB, en fait, la dernière fois qu'on s'était croisé, tu finissais le chapitre 1, tu te lançais vers le chapitre 2. Maintenant, on te croise un peu à mi-chemin sur le travail du chapitre 3. Est-ce que tu as l'impression, dans le fond, parce que en même temps, bon, c'est une même œuvre que tu fais sur chapitre, à peu près en moyenne 9 mois d'œuvre en œuvre. Il y a des salons, il y a des nominations. Mon prix Réal Filion, tu as été nominé pour meilleur premier album. Les Comic Con et le reste, que tout ça vient un peu accompagner, dans le fond, ton travail de scénarisation, ton travail d'illustration? Ben, ça vient le complimenter, en tout cas, parce que pour ce qui est de l'alimenter, c'est sûr que ça peut pas nuire. J'adore rencontrer d'ailleurs les gens qui lisent la BD, qui me donnent les feedbacks sur comment ils l'ont trouvé. Ça m'aide à, comment je dirais, continuer dans le processus. Ça me motive. C'est le fun de savoir que la bande dessinée, des fois, elle va rechercher les gens de peu près tous les niveaux. Je commence à entendre des petits buzz, comment les gens ont interprété certaines scènes. Puis, c'est seulement par le biais des conventions, justement, puis des salons du livre que ça me permet de rencontrer ces gens-là, puis de continuer encore à avoir le feu qui me permet de continuer sans avoir l'impression d'être pris à un moment donné puis de stagner. Oui, parce que dans le fond, il faut rappeler, tu t'es donné un bon défi au départ quand tu as lancé le Bouddha brisé, c'est de faire quoi, 13 tomes à peu près, 10 tomes? 17. 17 tomes, 17. C'est encore plus que ce que je disais. Oui. C'est faut garder le cap, donc c'est faut garder la motivation. Et en même temps, après deux tomes, bientôt trois, j'imagine que c'est aussi, à un moment donné, la maîtrise de l'univers devient presque une deuxième nature. Là, ça fait pratiquement 2 ans que tu dessines ces personnages-là et plus. Ça va faire 1 an qu'ils sont publiés, mais ça va faire, en gros, je pense, pas loin de 3 ans, depuis le mois d'août que je travaille là-dessus puis que je développe les personnages, les univers et tout ça. Donc, c'est un processus qui est continu et c'est quelque chose qui, tout au long, comme on disait, se raffine et qui se facilite, mais que je remarque se complique davantage. Parce que, autant que j'avais une idée de où est-ce que la bande dessinée s'en allait, depuis un certain temps, je me rends compte qu'à partir du chapitre 4, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'ils changent parce que certains éléments du récit, je voudrais les amener ailleurs, mais d'un autre côté, je veux pas dénaturer le propos. Donc, c'est vraiment un défi de savoir où est-ce que se situe la balance parfaite. Oui, parce que dans le fond, comme auteur, à un moment donné, tu finis par développer les personnages, par tomber amoureux, si on peut dire, de ces personnages-là aussi, puis avoir envie de développer leur histoire, puis de se donner la liberté de pouvoir le faire aussi. Oui, d'ailleurs, c'est drôle qu'on parle de tomber amoureux des personnages parce qu'il y a une page en particulier dans le chapitre 2. C'est la première case où Alex et Ophélie sont dans la même case. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à tomber en amour avec ces personnages-là puis à me dire, j'ai vraiment hâte de savoir où est-ce que ça va aller plus loin. Comment est-ce qu'eux vont me dire, fais ça, fais pas ça, c'est pas ce que je dirais, ou encore, oui, t'es sur la bonne voie. C'est donc quelque chose qui, encore une fois, comme les conventions, c'est quelque chose qui motive. Et pour contextualiser, en fait, le premier chapitre, celui qui est sorti l'an dernier, donc on place l'univers, on place les personnages, surtout le protagoniste Alex, qui est au cœur du récit. Dans le deuxième, on reste un peu dans l'intime, mais j'ai l'impression qu'on sent un peu que d'un côté, son univers est en train de se construire, d'un point de vue amoureux notamment, mais qu'en même temps, son univers commence de plus en plus à s'écrouler autour de lui. Oui, parce qu'en même temps, il y a une voix en dedans de lui qui prend naissance, il se rend compte que son monde extérieur s'écroule. Il n'a aucun contrôle sur ni l'un ni l'autre et c'est ce qui le déstabilise au plus profond de lui, au point où ça va culminer dans le chapitre 3 en l'espèce de catharsis qui va tout faire exploser. Oui, parce que dans le fond, au cœur du récit, si on reste un peu dans le descriptif, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas tomber encore sur le chapitre 1, essentiellement, il y a le principe de la dissociation. Donc, l'idée que les personnes, Alex principalement, dans le fond, un côté bon, mais un côté mauvais aussi, très sombre, très noir. Et dans le fond, dans le tome 1, on voyait un peu l'éclosion, l'apparition de cet être sombre-là. Et dès les premières pages, dans le deuxième, justement, tu choisis d'intégrer aussi une deuxième narration un peu plus sombre, d'avoir des rappels presque Lovecraftiens de créatures qui attendent un peu là-dedans. Et ensuite, SB, tu nous amènes dans une trame qui est plus intime, donc plus amoureuse, et où on pourrait se sentir confortable parce qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent à ton personnage, mais où on n'arrive pas à l'être parce que justement tu nous as tellement placé de trucs assez sombres dans les premières pages qu'on a une tension qui nous suit dans le fond. Oui, puis c'est quelque chose que Alex n'est pas nécessairement conscient, c'est-à-dire il y a des choses qu'il fait, il y a des choses qu'il ne fait pas et ça joue pour et contre lui à la fois. Donc c'est à savoir à quel point il est conscient ou non des conséquences de ce qu'il s'apprête à faire ou pas. À qui il fait du mal, à qui il fait du bien, et à quel point il fait pour son bien, ou qu'est-ce qu'il essaie de chercher dans tout ça, qu'est-ce qu'il essaie de retirer. Et tout ça, ça aide à rester sur un pied de guerre. Mais Alex, je pense qu'à ce moment-là, il n'est pas assez conscient de toutes ces choses-là. Parce que s'il l'était, probablement que la moitié de l'histoire n'arriverait pas. Et d'ailleurs, une chose que je tiens à préciser, c'est que quand je vous entendais parler tout à l'heure de un côté bon et un côté mauvais, je tiens à préciser une certaine nuance que selon moi c'est davantage une partie ignorée, une partie sombre, mais pas nécessairement quelque chose de mauvais, parce qu'on a l'impression que c'est mauvais jusqu'au moment où on se rend compte de comment est-ce que cet aspect-là est né en lui, jusqu'au moment où on s'apprête à un jour le connaître davantage pour se dire, OK, est-ce que c'est vraiment mauvais? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive au point où il réagit de cette façon-là pour l'autre Alex, là, si on veut la part sombre d'Alex, pour qu'on se rende compte de... Il est peut-être pas si méchant que ça. Faut juste lui donner le bénéfice du doute. Donc, dans le fond, au fil des tomes, parce que moi, avec les deux premiers chapitres, c'est l'impression noir et blanc un peu qu'on a. Et donc, dans le fond, au fil du troisième, mais on va développer un peu la complexité de la chose. On va aller au-delà de l'idée typée. Donc, on a un petit avant-goût, là. Oui, sans vouloir dire jeu de mots plate, on va avoir 50 nuances de gris assez pas pire dans ce noir et blanc-là. Et au niveau du noir et blanc, au niveau du travail de dessin aussi... Au passage, on peut dire que, dans le fond, souvent, bon, la bande dessinée, on sait, c'est un cadre quand même assez strict, des cases. Bon, souvent, il y a différents types de manières de raconter l'histoire. Dans ton cas, SB, tu as choisi d'y aller de manière extrêmement éclatée. Il n'y a pas une page qui se ressemble dans l'architecture des cases, dans le choix d'intégrer des cases ou non plus. Donc, tu y vas vraiment de manière très éclatée. Qu'est-ce qui t'a amené un peu vers ce type de composition-là? Ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est qu'au Québec, on a une bande dessinée qui est très, multiculturelle. Il n'y a pas un cadre qui va suffire dans la narration. Si on regarde ce que Cab fait, si on regarde ce que les autres bandes dessinées de mon éditeur Berber fait, ils ont une méthode plus européenne, leurs auteurs également. Ça, j'ai bien apprécié. Le reste de la bande dessinée québécoise a une multitude de narrations différentes qui permet de sortir justement des cases habituelles. Et j'ai voulu justement montrer que c'est possible d'avoir une certaine narration avec une manière de raconter qui n'est pas nécessairement figée. Je voulais pas, il n'y a rien de mal à faire des cases de façon européenne ou américaine ou japonaise, mais je voulais faire un mélange de tout ça pour justement... si on veut sublimer le multiculturalisme dans notre monde pour sortir du cadre pour raconter cette histoire-là. Et peut-être pour illustrer un peu pour les gens qui nous écoutent, je donne un exemple que moi j'ai bien aimé où, dans le fond, on a une fille mystérieuse bon, qu'on a vue dans le premier tome, qu'on découvre un peu plus dans le deuxième, qui arrive dans le lieu où Alex est, et donc elle prend à peu près la moitié de la page en une case imaginaire, dans le fond, parce qu'il n'y a rien qui l'encadre, donc elle vit dans la planche. Et à côté d'elle, de manière plus ancrée, tu as mis en trois cases courtes, dans le fond, les réactions par étapes de ton héros à voir l'arrivée de cette personne-là. Donc, on est un peu à deux niveaux, puis on a l'impression que c'est lui qui est un peu enfermé, puis c'est elle qui arrive et qui s'approprie complètement, dans le fond, cette planche-là. C'est justement un peu une manière de montrer la personnalité des personnages, parce que la fille mystérieuse, justement, c'est une fille qui est out of the box, là. C'est une fille qui est capable de penser en dehors de tout cadre, tandis qu'Alex est tellement prisonnier, justement, que quand on le regarde dans ces cases-là, justement, la tête, elle ne fit pas là-dedans, là. C'est vraiment quelque chose qui... il s'est lui-même enfermé dans ce genre de boîte-là pour... je ne sais pas pour quelle raison, si on veut, là. Et c'est probablement de son total... de son bon vouloir, mais... c'était ma manière de montrer qui sont ces personnages-là tout en les opposant et en montrant les similitudes qu'ils ont. Donc, de jouer un peu avec l'ordre de lecture, parce qu'en même temps, c'est pas évident non plus. C'est un exercice périlleux, si on peut dire, parce qu'il faut que le lecteur s'y retrouve, qu'il suive un peu la ligne de lecture que tu veux lui induire. Est-ce que, des fois, OK, il y a des planches où tu essaies justement de trouver la composition, puis c'est 12 fois sur le travail pour trouver le bon équilibre, la bonne compréhension? 12 fois, des fois, c'est pas assez. C'est vraiment un travail continu qui, des fois, fait que je me questionne, je retravaille tout le temps les cases, même jusqu'au dernier moment où je fais les storyboards, je regarde et je me dis, est-ce que si je compare avec le dialogue, est-ce que ça coule bien? Est-ce que c'est encore approprié? Est-ce que je peux faire mieux que ça encore? L'idée, c'est de toujours la retravailler jusqu'à, même au moment où je fais la page finale. Ça se peut qu'au moment où je sois rendu à l'ancrer, ça fait plus. Donc, ça demande de retravailler un peu certaines parties de la narration, comme il y a des choses qui n'étaient pas censées arriver dans le chapitre 3, que je ne peux pas nommer pour l'instant, mais que j'ai réussi à inclure, et je me suis dit, je pense que le lecteur va aimer ça. Ça va faire des belles petites touches qui vont aider à mettre davantage de piment dans l'univers, mais qui, a priori, n'étaient pas prévues. Oui, puis dans l'absolu, ça devient nécessaire aussi, parce que si on élimine surprenant peut-être dans tout ça, mais ça reste dans le fond l'histoire d'un gars qui travaille dans une épicerie, qui fait du temps supplémentaire, puis à un moment donné qui va un soir dans un bar jaser avec du monde. Exactement. Donc, faut réussir à le rythmer, puis on m'a toujours dit, en fait, les scènes de dialogue, puis les scènes où il se passe pas tant de choses que ça, c'est les plus difficiles à faire. Oui, puis si je puis me permettre de faire un parallèle avec le cinéma, Quentin Tarantino est quelqu'un qui a réussi à rendre les choses les plus mondaines, les plus intéressantes, parce que justement, deux personnages qui jasent dans une voiture pendant 10 minutes, c'est ennuyant. Dans Pulp Fiction, c'est passionnant. J'aurais voulu que cette conversation-là continue pendant 3 heures. J'aurais été capable de la suivre. J'aurais adoré ça. Et je me suis dit, si lui est capable de faire ça, il faut que moi, je trouve une manière de rendre le mondain intéressant, de le rendre le moindrement intriguant pour le lecteur. Et là-dedans, en fait, on va chercher dans les codes du manga aussi, j'ai l'impression. Je donne un exemple où il y a deux de tes personnages qui ressentent un malaise et on le vit un peu comme un combat, donc avec toutes les couleurs, entre guillemets. Bon, on imagine les couleurs parce que c'est en noir et blanc, il y a malaise décrit au milieu, puis OK, on détonne un peu, on s'amuse avec les codes de la conversation, finalement. Exactement. Je trouve que c'est important, des fois, de sortir des cadres pour mieux les recréer. Je veux pas dire, j'ai pas la prétention de réinventer quoi que ce soit, mais je voulais éclater les choses un peu plus pour que ça ait l'air. On voit clairement qu'il y a une dissociation, pardonnez le jeu de mots, là, c'est pas vraiment une dissociation, mais plutôt une cassure entre les deux personnages pour montrer ce qui les oppose et en même temps le montrer de manière à ce que ça a presque l'air d'un combat sorti de Street Fighter. Donc, on s'amuse un peu avec ça. Et ces genres d'albums, en fait, je le mentionne au passage, en librairie, à feuilleter-là, vous allez comprendre ce qu'on veut dire. Mais dans le fond, vraiment, on sent que tu t'éclates un peu à les dessiner. En route vers le tome 3 aussi, qui, lui, va être disponible à peu près... On parlait d'une gestation de 9 mois, à peu près? On parlait d'une gestation de 9 mois, ce qui permettrait de dire que pour le Salon du livre de 2018, ça va sortir exactement à avril. Alors, ça veut dire qu'on aura l'occasion de se reparler du tome 3 à ce moment-là. On va continuer de suivre ta création étape par étape. C'est comme je me sens en live, là, des mises à jour presque annuelles. Moi, j'adore ça. J'adore. D'ailleurs, merci de m'inviter. J'adore. Alors, je rappelle, donc, SB, tu viens de nous offrir, en fait, il y a déjà quelques mois, mais bon, SB, le Bouddha brisé, chapitre 2. Évidemment, on commence par le chapitre 1. Oui. C'est très recommandé. Tout à fait. Et nous, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Alors, je rappelle, le Bouddha brisé du côté de chez Berber 1313. Dernière ligne droite de la vie en BD, dernière 10 minutes de l'émission qu'on passe et qu'on retrouve. On en profite en fait pour retrouver avec plaisir l'un de nos trois libraires en résidence de retour avec nous pour une nouvelle saison. Marco Duchesne de la librairie Pantoute, bonjour. Hey, salut Raymond. Ça va bien? Oui, toi? Mais oui, ça va. Un bel été. Un bel été en fait avec un peu de lecture, mais pas un assez. Un peu, pas beaucoup. On dirait qu'on en lit tellement pendant l'année que rendu à l'été. Ben c'est ça, c'est comme... On prend l'été pour se reposer, mais quand on est des drogués de ces livres en images, arrive l'été, puis on en voudrait encore. Mais on a bien fait de se reposer. À voir ce qui s'en vient à l'automne et à l'hiver, là, on va avoir encore une fois une fin d'année assez spectaculaire. Et Marco, on commence le sprint de la rentrée, si on peut dire, avec 3 suggestions de ton côté. Russian Olive, tiens, pour commencer. Ben, écoute, est arrivé ce drôle de petit album, un comic américain, je te dirais une traduction que les éditions Aquileos, qui font très peu de choses, qui traduisent de temps en temps des comics indépendants. Alors, il nous arrive avec un truc qui s'appelle Russian Olive et Tout de Red King. Alors, ce drôle de titre est écrit et illustré par un couple, Catherine et Stewart Immonen. Oui. Alors, on se dit, OK, qui sont ce couple? Qui est ce couple? Alors, moi, je regarde l'album, je le lis, et vraiment, c'est ma de l'été, là, c'est mon album de l'été. Et là, je fais de petites recherches sur ce drôle de couple, et ils font du comique américain depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'elle, Catherine, elle est au scénario des X-Men, est au scénario des Runaways. Elle fait la pluie et le beau temps chez Marvel. Et Stewart, son mari, qui illustre, lui aussi. Lui a illustré des événements Marvel comme Fairy Tail. C'est des abonnés au Joe Shuster. Voilà. Awards, sincèrement. Mais, à chaque année, on les voit là. C'est... Ah ouais. Et là, il débarque avec des projets personnels. Et ce projet personnel-là est extraordinaire. Et comment se fait la transition? Parce que, dans le fond, quand tu fais du comics, c'est quand même un cas d'un style précis. Donc, comment se fait la transition vers les trucs plus perso? À mon avis, dans le texte et dans l'image, dans le texte, pour Catherine, elle y va. Ça se fait bien parce qu'elle était aidée par son mari qui, lui, au niveau graphique, a pris beaucoup de choses. Je pense qu'il a beaucoup travaillé la narration, ce qui est la grande force de cet album-là, Olive Ruchen et To the Red King. Je pense que cet album-là, sa force, c'est la façon dont c'est raconté. Parce que le dessin est, somme toute, un peu classique. C'est très joli, les couleurs sont pimpantes, mais c'est au niveau de la narration. Et pour Catherine, le scénario, lui, est intimiste. C'est intérieur, c'est atmosphère, c'est lent. Et surtout, ça frise une espèce de poésie tout à fait accessible. Là. Mais et je te le dis, là, c'est un album extraordinaire. L'histoire est... tient en deux choses. C'est un matin... une femme se lève, se réveille et son mari est à côté d'elle, son compagnon, et ils se disent au revoir. Elle doit quitter pour aller travailler en Russie. Elle va prendre un petit avion, un biplan, un mono... tu sais, les Cessna, là. Un petit avion. Voilà, un petit avion. Et lui va rester à la maison. Il doit terminer un texte sur une galerie d'art. Il doit terminer un texte de présentation d'une exposition. Alors, lui reste à l'appartement. Donc, elle prend l'avion. Et à un moment donné, l'avion, le pilote meurt en vol, c'est-à-dire il y a une crise cardiaque, et elle s'écrase. Et elle doit survivre. Mais lui aussi doit survivre parce que lui, sans elle, il est comme à l'abandon. Et là, le récit va se faire presque juxtaposé, page après page, de la solitude de la femme qui, elle, Olive, doit survivre. Et elle entame une espèce de monologue pour s'aider à survivre dans cette solitude-là. Et avec comment survivre, comment se déplacer, comment manger. Et lui, il doit survivre sans elle. Et là, le téléphone sonne et sur son répondeur, les gens attendent des nouvelles de lui, son travail et des nouvelles de la famille. Comment ça se fait qu'on n'entend plus parler d'elle? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'a pas donné de nouvelles à l'atterrissage. Et lui doit survivre. Et lui, il parle à son chien, ils ont un chien. Et lui aussi s'entame un monologue. Et page après page, juxtaposé, le monologue devient un dialogue. Écoute, et au fur et à mesure que ça avance, lui perd espoir et en fait, il se dit « Elle m'a quitté ». Écoute, c'est un album pour les amateurs de bandes dessinées intelligentes, bien racontées. Je vous le suggère fortement. Ça s'appelle, ils ont gardé le titre en anglais, ça s'appelle « Olive Ruchen to the Red King ». C'est chez Aquileos et c'est par le couple Catherine et Stewart Immonen. Alors, à découvrir. Et en fait, pour la deuxième partie, si on peut dire, la deuxième 50% de ta chronique, Marco, deux titres, en fait, qui nous réintègrent, qui nous ramènent vers des personnages qu'on connaissait. En fait, les nouvelles aventures de Lapino et aussi Zorglub. Voilà. Alors, c'est le présent et le futur parce que Lapino n'est pas encore paru. Mais j'ai eu la chance, je sais pas les bassistes que j'ai faites pour avoir accès à cet album qui s'en vient, parce que il faut que je dise de prime abord que je suis un fan fini de ce personnage de Lapineau. Quand j'ai commencé à travailler en librairie et qu'il est arrivé cette série-là avec Lewis Trondheim, que je suivais un peu le début de sa carrière avec l'association, et quand est arrivé ce personnage qui, d'album en album, racontait des histoires du quotidien, mais comme au bord du fantastique, de cette bande de copains, Lapineau, Richard, Titi et Pierrot, ces quatre copains qui, chacun ont leur caractère un peu différent, mais on se demande comment cette bande de copains tient. Et Richard s'est exalté, cet enfant, et Lapineau, cet insécure qui est à la recherche de la femme parfaite, et les deux autres qui viennent compenser un peu pour l'hypochondriaque. Et bref, à chaque album, moi, c'était vraiment un délice de lecture. Et quand est arrivé le dernier, il y a quoi, presque 15 ans? Ah, ça fait longtemps. Enfin. Ah oui, oui. Dargo, Lewis Trondheim avait tué Lapineau. Lapineau était mort. Et on joue avec ça dans le retour. Là, c'est... Et là, Lapineau était mort. Et cet album-là, La vie comme elle vient, écoutez, c'est extraordinaire comment le suspense de cet album-là, même si on... Bon, c'est vrai que je donne le punch, mais à lire, là, comment il amène cette mort-là, cette disparition-là. Alors, j'étais un peu triste, mais soudainement, Lewis Trondheim fait revivre Lapineau. Alors, ça va s'appeler « Les nouvelles aventures de Lapineau ». C'est chez l'association. Et il revit littéralement. Eh bien oui, Lapineau est de retour. Et d'ailleurs, la première page... c'est une réflexion de Richard qui, lui, la mort l'a toujours fasciné. Quand on lit au travers des aventures, lui, son obsession, c'est la mort, mais c'est lui qui la frôle à chaque instant avec ses folies, ses niaiseries. Et Lapineau, avec son T-shirt avec un crâne qui revient d'entre les morts et faire comme si de rien n'était. Et on aborde une nouvelle aventure. Lapineau essaye de reconquérir le cœur de Nadia. Et évidemment, Richard va encore plonger Lapineau dans une aventure incroyable où le danger est à chaque page. Alors, je pense que ça n'a pas vieilli d'une case, ce Lapineau. Alors, à découvrir, à se lancer, en fait, sans crainte qu'on étire la sauce, comme on dit. Et en terminant, Marco, un petit mot sur Zorglub. Ben, un petit mot pour vous dire que, encore un spin-off, vous vous direz, bon, c'est Zorglub, ce que je disais, justement, quand ce grand méchant de Spirou et Fantasio, sort des pages et va vivre ses aventures. Mais en fait, Munuera, l'auteur, qui lui a fait ses classes, c'est quelqu'un qui sait raconter, là. Mm-hmm. Et il a fait du Spirou et Fantasio. Mais n'ayez pas d'inquiétude. Zorglub, l'esprit de Spirou et Fantasio, l'esprit de ce personnage y est. C'est-à-dire ce mégalomane égoïste et gaffeur. On ne transfigure pas le personnage. Et non, et gaffeur, parce qu'il se met les deux pieds dans les plats, mais encore une fois. Et là, il a une fille. On apprend qu'il a une fille. Et cette jeune fille, adolescente, parce qu'à cause d'une des gaffes de son père, il va se mettre à dos l'armée et l'armée va vouloir enlever sa fille. Et là, on part en cavale, c'est l'aventure pure dure avec les gadgets de Zorglub. Sérieux, là. Alors, tout est là, finalement. Puis, à la limite, on se dit, est-ce qu'il méritait son spin-off? Ah, il le mérite et on attend la prochaine sortie du tome 2 parce qu'il va y avoir une suite avec... Et je te le dis, Munuera a fait ses classes et il rend la chose tellement dynamique. C'est digne des albums de l'école franco-belge du magazine Spirou. Wow. Alors ça, c'est le tome 1 de Zorglub. Trois belles suggestions, hein, Marco, cette semaine. Je rappelle, Russian Olive, Zorglub, tome 1 et les nouvelles aventures de Lapineau qui, lui, va arriver très prochainement. Et nous, on se dit à très bientôt. Ben oui. Alors, c'était Marco Duchesne, donc je rappelle un de nos libraires en résidence. Et nous, c'est là-dessus qu'on termine l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, on aura entre autres Olivier Carpentier pour nous parler de Victor, Valérie Boivin pour le livre Où la poule meurt à la fin, Pascal Bonenfant qui va nous jaser de loup, les commentaires BD d'Édouard Tremblay et plus. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL. Téléchargez La vie en BD sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Depuis ses débuts, le Bal du Lézard participe à l'essor de la vie culturelle et artistique de Québec et encourage la création radiophonique originale. Le Bal du Lézard vous souhaite bonne écoute sur le 89.1. lebaldulezard.com. Ici Jessica Leb. Ce dimanche 25 septembre, je serai en direct de la course de la cité Limoilou de 9h à 11h. Cette année, l'art rencontre le sport. Soyez au cœur de l'événement en entendant les coureurs, les commerces, les spectateurs et les organisateurs qui font la magie de l'événement. C'est un rendez-vous. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la ville de Québec, du 13 au 23 septembre. Présenté par Québeca, alimenté par Resto Plaisir, en collaboration avec le Concorde. fcvq.ca. Une famille d'aveugles est hantée par la mort tragique de leur deuxième enfant et tente de le ressusciter à travers l'enseignement mystique d'un guérisseur russe. Mais cette prémisse n'est que le début de la vraie histoire. Gagnant du meilleur documentaire aux rencontres internationales du documentaire de Montréal, à Hot Docs et au Perséide, La résurrection d'Hassan est un film intriguant, imprévisible, qui ne laisse personne indifférent. Au cinéma Cartier, dès le 22 septembre. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première